On va parler avec Phil Desgagnés. Salut Phil. Bonjour, Danny. Phil, l'événement de la semaine, écoute, c'est sûr que le Canadien s'est remis d'aplomb dans les séries éliminatoires avec la victoire à Philadelphie mardi soir. Il faut pas, je sais pas, Phil, tu fais encore plus longtemps que moi que tu suis le sport. Le discours de Sylvain Bruno envers Bianca Andreescu, c'est un des beaux discours de motivation d'un coach que j'ai vu. Toi? Ben, écoute, il a dit les bons mots Ouais. juste au bon moment. C'était la même chose hier soir dans son match où elle perdait 5 à 1. Elle est revenue de l'arrière. Il lui a dit, tu joues pas mal. Simplement que ça fit pas, là. Donc là, tu vas te replacer. Il n'y a pas de problème. Continue de jouer de la même manière. T'sais, il n'a pas été négatif. C'était un message positif. Et je pense qu'avec des jeunes de 18-19 ans, tu vois ça au hockey junior, l'instructeur, même si un joueur commet une erreur, il l'engueule pas en arrivant au banc. Il lui montre sur vidéo, souvent maintenant avec les cassettes en direct, puis les tablettes qu'ils ont derrière le banc pour montrer aux joueurs quelles erreurs ils ont fait. Ça rapporte les fruits. Et deuxièmement, c'est que le jeune, lui, il apprécie que quelqu'un lui donne une note positive. Donc, moi, je pense que personnellement, Bruno, la façon qu'il parle avec Bianca, ça fit, ça cadre bien. Et je pense que Bianca est prêt à accepter le message. Aussi, il y a une chose qu'il faut regarder. C'est est-ce que l'athlète est capable de le prendre, ce message-là. Souvent, il y en a qui le prennent pas bien, mais elle, hier, exemple à 5 à 1, elle va venir là, elle le fait venir en disant, là, ça va pas, tu sais. Puis lui, là, il est pas arrivé négatif, il a dit, tu joues bien, sauf qu'à soir, là, les balles, ils tombent pas à la bonne place. Continue de jouer comme ça, puis quand ils vont se mettre tomber à la bonne place, ça va revirer de bord. Effectivement, elle a gagné 5 parties d'affilée pour revenir dans l'arrière, pour finalement l'emporter. Tu sais, je regarde ça, puis moi, je trouve que c'est une bonne attitude. Puis, dans le cas de Bruno, il la connaît bien, il est avec elle depuis même quelques années, elle était à Tennis Canada, et c'est là qu'on se rend compte que le programme de Tennis Canada rapporte des bons dividendes, parce que ces athlètes-là passent énormément de temps avec les coachs, puis les coachs, eux autres, là, ils les connaissent à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, donc quand ils arrivent sur le circuit professionnel, puis sont accompagnés par ces gens-là, ben, ils ont déjà du vécu avec, ils connaissent les individus, ils savent quel genre de caractère, comment ils doivent les prendre. Puis là, avec Bianca actuellement, là, tu sais, elle a, tu sais, on fera pas de comparaison avec Eugénie Bouchard. Non, j'aime pas ça. Rappelons-nous, okay. Eugénie, ouais. Il y a 3 ans, elle faisait comme ça. Elle s'est retrouvée 5e au monde, dans l'espace de peu de temps, les demi-finales des Grands Chelems, et pourtant, je veux dire, tout le monde s'attendait à ce qu'elle fasse une belle carrière, mais personne s'attendait à ça. Pour Bianca Andreescu, l'année passée, là, était ici pour une bourse de 6 000 piastres. Oui, oui. Puis là, elle a gagné 1 300 000 américains. Donc, là, on se rend compte vraiment que pour elle, actuellement, c'est vraiment bien parti. Puis c'est la même chose pour Oger Aliasin. C'est que lui aussi, ça fit bien, ça continue de bien aller. Et Tennis Canada est une bonne lancée actuellement, il faut le dire. Mais Phil... Tu sais, je l'ai entendu à quelque part, Sylvain Bruno, dire, si j'aurais parlé de stratégie, je la perdais. C'était pas le moment de parler de stratégie. Tu sais, j'en reviens toujours au speech de dimanche après-midi à Indian Wells. Oui. Hein? On a vu ça devant les caméras, on l'a vu au monde entier. C'est ça à quelque part. Puis dès qu'elle y a parlé, elle est revenue, on aurait dit qu'elle était avec une bouche d'énergie. C'est là que l'importance, la psychologie. Qu'il la connaît bien. Ouais. Ça veut dire que ça fait quelques années qu'il est avec. Donc, il connaît la réaction de Bianca et de quelle façon. Et deuxièmement, c'est que là, il sentait que c'était le moment propice pour aller la voir, pour lui parler, pour lui dire. Puis elle avait des bonnes réactions aussi. Qu'elle a dit, je la veux, cette victoire-là. Puis même, ça avait mal partout. Donc, lui, à ce moment-là, il a dit, parfait, si tu la veux, ben, défonce-toi, puis vas-y, oublie là, les blessures, puis ce qui te fait mal, fonce. C'est exactement ce qu'elle a fait. Puis hier, je veux dire, il a pas dit tu joues mal, ça t'es pas chanceux. Non, non, non. Il dit continue comme ça. Ça va aller. Donc, c'est un peu ça. Hier, je regardais Oger Aliasin, quand il a perdu la deuxième manche, il était pas là, là. Tout à coup, il a viré de bord. Puis après ça, là, il s'est mis à gagner. Pourquoi? Parce qu'il a une bonne attitude, mais c'est les gens qui sont autour qui ont de la bonne attitude. Et c'est pas donné à tout le monde non plus de diriger des jeunes de 18, 19 et 20 ans. Ça, je pense, c'est comme la même chose, exemple, des instructeurs. Il y en a qui vont diriger au niveau du hockey junior, puis ils vont connaître du succès, puis ils vont arriver chez les professionnels, ça marchera pas. À l'inverse, il y en a aux juniors, c'est ordinaire, beaucoup s'en vont chez les pros, ça fonctionne. C'est juste une question de dire comment t'adaptes, tu t'adaptes avec les changements, puis de quelle façon tu travailles avec les athlètes. Là, j'ai hâte de voir ce qui va arriver, parce qu'un athlète comme ça, qui s'en met à feu, tu sais pas quand ça peut s'arrêter. Hein. Là, elle va, normalement, elle devrait affronter un J.K. Gerber, encore une fois, au troisième tour. J'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Il y a une chose qui est sûre actuellement, c'est que là, elle est sur un momentum. Ouais. Actuellement, c'est l'athlète au tennis professionnel qui a gagné plus de victoires depuis les deux derniers mois. Mm. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et la confiance est installée, là. Ouais. À partir de là, tout peut arriver. Mais moi, je pense qu'il va y arriver une période où de creuse où ça va être plus difficile. Mais il reste que quand même, je regarde la façon de faire. Et c'est la même chose pour Yazine. Chapeau Valov l'année passée, là. Personne ne connaissait à travers le monde. Non, non. Et tout à coup, il est devenu parmi les 20 meilleurs joueurs au monde. Chez les hommes, la compétition est extrêmement féroce. Puis être parmi les 20 meilleurs au monde, là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Puis on le voit que la confiance est là. Puis là, Bianca, elle est confiante. On dirait qu'elle ne peut pas perdre dans sa tête à elle. À partir de ce moment-là, ça continue, puis tant mieux. Puis la seule chose, il faut qu'elle demeure les deux pieds à terre, puis il faut que son entourage également soit près d'elle. Parce que là, elle dit qu'après Miami, elle veut prendre un break. Moi, je trouve que c'est bien de prendre un break. Ouais. Parce que, à quelque part, la fatigue mentale, quand ça s'installe, souvent, ça s'affecte son jeu pour une raison. Elle devient plus accessible, puis là, elle commet des erreurs, puis là, elle perd confiance. Puis après ça, écoute, c'est plus difficile de remonter. Tandis que là, elle est sur un bon momentum, qu'elle arrête 2-3 semaines pour refaire un peu le plein d'énergie, refaire, parce que là, eux autres, ils n'avaient pas prévu ce qui se passe actuellement. Là. Mais il y avait des petits tournois probablement prévus à l'horaire pour elle. Là, tout le monde court après elle pour l'avoir dans les grands tournois. Là. Avec le 1 300 000 US qu'elle a gagné la semaine dernière, elle peut se permettre maintenant des choses qu'elle ne pouvait pas se permettre il y a à peu près 5-6 semaines. Là. Puis là, il y a un historique de blessure. Bianca, elle était souvent blessée par le passé. Ça, faut l'aménager. Elle est bien entourée là-bas. Là, préparateur physique, au niveau psychologue. C'est toutes des choses que les athlètes, il y a 20 ans, n'avaient pas. Aujourd'hui, ils ont. C'est personne-là pour les aider. Et moi, je pense que c'est important, dans le cas de Bianca, de prendre, je pense, un petit break. Puis, revenir à la maison, revoir les amis. La même chose pour l'instructeur, qui lui aussi a une famille, et qui a du monde à voir, puis qui est dans des programmes avec Tennis Canada. Ça donne à tout le monde de prendre un brin de repos, puis refaire le gars, puis repartir pour une nouvelle façon. Dans le cas d'Aliazine, on le voit, là, il va demeurer maintenant en Europe. Ouais. À cause du décalage horaire, à cause des terres battues, à cause également des instructeurs qui sont là-bas, les gens avec qui il peut s'entraîner. C'est tous des facteurs que Tennis Canada a évalués avant de prendre une décision comme ça. Et la décision n'a pas été prise à la légère. Je suis convaincu qu'on a pris cette décision-là en fonction de dire c'est bon pour le jeune, c'est bon pour ses instructeurs, c'est bon pour le plan financier aussi parce que là-bas, il paye moins d'impôts, mais ça, c'est un autre pire dommage. OK. Phil, le Canadien, c'est incroyable ce qui s'est passé hier, hein, de cette semaine. On était pratiquement prêts à les enterrer, moi inclus. Par contre, deux grosses victoires, dont celle d'Alfie demain. Et ça, c'est important. Je t'ai dit la semaine dernière, c'est des matchs qui, contre les équipes contre qui tu luttes pour vraiment te classer, qui vont faire la différence. Actuellement, on a battu Philadelphie, on les a presque sortis. Les Islanders sont un peu en avant d'eux, mais quand même, chaud. Là, maintenant, il s'en vient des matchs qu'on devra jouer contre la Caroline, qu'on devra jouer également contre Columbus. Ces matchs-là, c'est des matchs de 4 points. Ça pardonne pas. Et je pense que c'est là. Je regardais les calendriers également. Columbus a un calendrier extrêmement difficile pour terminer l'année. Très peu de matchs à domicile, beaucoup de matchs sur la route. Et le Canadien a un calendrier difficile à la fin aussi. Toronto, on va jouer contre Tampa Bay. On joue contre des équipes également qui sont en haut de classement et qui ont besoin, peut-être pas de victoire parce qu'ils sont déjà bien situés au classement, mais qui ont besoin de bien se préparer pour les séries de fin de saison. Et ça, je pense que c'est... J'ai hâte de voir un peu comment le Canadien va réagir là-dessus. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir parce que les 5 derniers matchs, c'est... As-tu vu les 5 derniers matchs du Canadien? Incroyable, là. Ça va être très, très difficile, là. Je pense que... C'est très difficile. Ouais. Il n'y a aucun doute. Donc, les matchs qui s'en viennent contre Columbus puis contre Caroline, c'est des mosses. Ils n'ont pas le droit de perdre. Ouais. Il faut qu'ils gagnent. S'ils les gagnent, à ce moment-là, tu prends des priorités, tu avances. Columbus, actuellement, c'est une mauvaise séquence. Ils vont pas bien. faut que le Canadien en profite, là, parce que, effectivement, le calendrier de fin de saison du Canadien est extrêmement difficile. Mais, la bonne nouvelle, moi, je pense, c'est Carey Price. Price est tout simplement étincelant. Puis ceux qui doutaient de Price, qui disaient, pas si t'as vu le sondage cette semaine, la part des joueurs, il est 10 longueurs en avant de tous les autres gardiens de la Ligue nationale, selon les joueurs. Ça, c'est énormément important pour la confiance d'un individu. Mettons que cette année, il y a une chance qu'on l'a eu, mais moi, ça me tape ses nerfs que c'est automatique, là, parce qu'il y en a d'autres. Puis je parlais avec Marc Fortier cette semaine, puis le fait qu'il garde à Montréal, il y a plus de publicité. C'est la même affaire que garder jouer pour les Yankees puis jouer pour les Mariners de Seattle. Oui, mais là, c'est les joueurs qui l'apprennent, qui votent, là. C'est pas un vote populaire, c'est pas un vote à l'envers. C'est les athlètes qui votent. Et quand les athlètes votent, c'est eux qui connaissent qui est le plus, là. Tu sais, je veux dire, moi, là, ça n'a pas de rapport si tu joues à Los Angeles, à New York ou à Montréal. C'est les athlètes qui jouent contre lui, qui disent, lui est à 29%, puis l'autre est à 19%, puis Carey le deuxième. Il y a une marge importante entre les deux, là. C'est les joueurs qui ont évolué. Moi, je pense que le meilleur indice, à mon avis, ce sont tout le temps les joueurs qui affrontent l'individu pour te donner vraiment l'allure et le calibre de l'individu. Phil, on s'en parle vendredi prochain. C'est commentaire de Phil Gagnon.